On parle avec Raymond Poirier pour sa chronique Technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et aujourd'hui, on se lance dans la 3D. Oui, dans la 3D. Je me suis dit, peut-être un peu par le biais notamment de l'impression 3D. Il faut dire, en fait, dans le contexte général, j'avais envie de me lancer sur ce thème-là parce qu'on organise vendredi qui vient, le 21 février, une belle activité à l'Université Laval de 8 à midi, de 8h30 à 12h30. On en reparlera un peu plus tard, mais je me disais, déjà, ça me donne une excuse additionnelle pour explorer ce thème-là. Et j'avais envie de démarrer avec l'impression 3D parce que souvent, justement, on parle de modèles, on parle de virtuel autour de la 3 dimensions. Et la 3D, c'est un peu l'impression, c'est un peu le passage, dans le fond, du virtuel vers le matériel. Donc, de voir de quelle manière on peut prendre les modèles qu'on développe, prendre les outils de scan qu'on développe pour les faire passer dans, entre guillemets, le monde réel. Et en même temps, faut dire que c'est très tendance aussi, toute cette réflexion-là, dans la mesure où il y a l'espèce de mouvance aussi du do-it-yourself, ouais. Donc fais-le toi-même, l'idée de fabrication personnelle, l'idée d'amener justement une certaine démocratisation de la fabrication d'outils, de la fabrication d'objets. Mais avec tout ça, faut se demander, quand on parle d'impression 3D, mais pourquoi faire précisément? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement avec ça? Eh bien, évidemment, on peut fabriquer un objet à partir d'un fichier numérique. Donc, on peut prendre à peu près n'importe quel outil logiciel de conception 3D pour créer ces modèles-là qui peuvent être par la suite imprimés en trois dimensions. Au niveau de l'impression, on parle d'une superposition de couches de plastique. Donc, on achète dans le fond ce plastique-là qui est fondu, qui est mis dans un réservoir. Ensuite, l'impression, ben, se fait donc couche par couche. Donc, ce qui fait que ça donne pas un objet qui est lisse, mais ça donne un objet qui est qui est stratifié, exactement. Okay. Et ça peut être fait avec donc ce plastique-là. Il y a des modèles aussi qui sont développés. On peut le faire avec de la mousse, avec du métal. Donc, essentiellement, à court et moyen terme, toute matière qui est possible d'être fondue pourrait éventuellement servir pour l'impression 3D. Mais là, c'est important de dire que ce n'est pas sculpté. C'est vraiment imprimé. Oui, ben, finalement, là. Parce qu'on pourrait peut-être imaginer des lasers là, qui sculptent l'objet, la forme, mais si c'est vide à l'intérieur, dans l'impression, c'est vide à l'intérieur. Normalement, okay. Exactement. En fait, ou du moins, il y a tout le moins la texture, le tour et différents paramètres qui peuvent permettre, dans le fond, de déterminer de quelle manière ça pourrait être imprimé. Mais on peut imaginer, selon le type d'outil ou, mettons, le plastique, si on imprime avec du plastique une chaise, eh bien, il y a des chances que la chaise, ça soit pas nécessairement la plus solide sur laquelle être assise. Ouais, non, ça, c'est certain, ouais. Bon, avec de la mousse, peut-être un peu plus, avec du métal, évidemment. Mais il y a quand même des éléments de logique un peu là-dedans. Mais on peut voir si elle fit bien dans notre salon. Oui. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on peut imprimer justement? Bon, essentiellement des prototypes de toutes sortes, des objets de design, n'importe quoi qui peut être fabriqué en série, donc n'importe quoi d'imprimé en 3D. On peut imprimer des objets qui sont quand même de plus en plus complexes aussi dans le type de forme. On peut imprimer des lunettes, des lampes, de la vaisselle, des meubles, des bâtiments. Ça s'est fait, on en a parlé ici dans les chroniques d'ailleurs, d'imprimer en 3D des maisons. Bon, évidemment, encore là, on peut y aller pièce par pièce puis la monter par la suite. Donc, il y a quand même des possibilités de ce côté-là qui intéressent évidemment, bon, les designers, qui intéressent les artistes aussi pour créer des sculptures, des structures complexes, des scientifiques, etc. Et d'ailleurs, même, il y a des ingénieurs en biotechnologie qui l'utilisent pour créer des nouveaux types de cellules, pour créer des veines artificielles, pour améliorer les tissus vivants. Donc, on fait imprimer des éléments plutôt que travailler avec un modèle parfois à l'écran, mais ça devient intéressant dans certains contextes d'avoir un modèle physique qu'on peut regarder. Et évidemment, à ça, on peut imprimer un peu n'importe quoi. Il y en a qui impriment leur visage. Je veux dire, n'importe quoi qu'on peut scanner, on peut l'imprimer. Ouais. Est-ce qu'on est dans une révolution avec tout ça? C'est ça l'autre grande question. Qu'est-ce que ça représente? Moi, j'ai beaucoup de misère, d'un, à comprendre le concept, mais aussi à me positionner face à ça, de cette impression-là. Parce qu'on dit, par exemple, tu dis, on peut imprimer une chaise. Oui, mais on peut en fabriquer une aussi, une chaise. On n'est pas obligé de l'imprimer, on peut la fabriquer. On peut la fabriquer, on peut l'imprimer désormais. On peut imprimer des souliers, on peut imprimer des casques, on peut imprimer un peu n'importe quoi. Donc, est-ce qu'on est en train de changer un peu la manière de faire les choses? Bon, a priori, si on examine, disons, de la manière la plus de base possible, on peut dire que l'impression 3D, c'est un outil de conception assisté par ordinateur parmi tant d'autres. Donc, il y en a plein. Il y a des lasers, des découpeuses lasers, des fraiseuses numériques, des engins robotisés. Donc, il y en a déjà pas mal. Je veux dire, il y a déjà un type d'impression, entre guillemets, ou du moins des éléments rattachés à l'impression 3D sont déjà en place. Donc, qu'est-ce qui fait que on en entend plus parler de l'impression 3D que de ces autres éléments-là. C'est ça qui est intéressant. D'abord, en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est peut-être un argument économique. Dans la mesure où c'est évident qu'une fraiseuse numérique, qu'une découpeuse laser, ben, on n'a pas nécessairement l'espace pour l'installer chez nous. On n'a pas nécessairement les moyens de l'acheter. Mais par contre, l'imprimante 3D, pour l'instant, c'est pas le cas, mais à moyen terme, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus abordable. Donc, pour les particuliers, ce qui fait qu'on pourra peut-être s'offrir une imprimante 3D, c'est ce qui fait que si on peut s'offrir une imprimante 3D, on va pouvoir imprimer en 3D, on va peut-être imprimer des objets qu'on aurait achetés, qui auraient été normalement développés dans des industries, et donc, nécessairement, pour venir compétitionner l'impression 3D, eh ben, il faudra que ces industries-là soit baissent leur prix, soit développent de nouvelles approches, et donc, ça risque peut-être, on ne sait pas, peut-être de changer radicalement l'équilibre du marché. Donc, un outil qui passe de l'usine à la maison, qui va changer la chaîne de production industrielle. Est-ce qu'on va pouvoir se passer d'entrepôt, de transport? Est-ce qu'on va vendre les plans d'objets et on va dire imprimer-les à la maison? Donc, on voit un peu pourquoi peut-être ça jase un peu plus d'impression 3D que de d'autres éléments. Parce qu'on voit un peu les possibilités, finalement, qui peuvent arriver. Ça veut pas dire non plus que ça va arriver, mais... Puis ça veut pas dire... La porte est ouverte. Exactement, la porte est ouverte. Et en même temps, il y a quand même aussi la logique qu'on a peut-être l'impression qu'on le voit avec beaucoup d'optimisme. Il y aura aussi évidemment des problèmes. Bon, évidemment, je le mentionnais tout à l'heure, ne serait-ce que des problèmes de solidité. Donc, c'est une chose d'imprimer une chaussure en 3D pour l'essayer, pour voir si la chaussure nous convient. Mais je ne porterai pas nécessairement à ce stade-ci une chaussure en plastique pour aller me promener. Il y a quand même des éléments que la fabrication pourra pas remplacer, indépendamment de la qualité de l'impression. Et s'il y a plein de gens comme ça qui décident de faire des impressions pour voir si l'objet leur convient, est-ce que ça veut dire qu'on va être submergé sous des masses de plastique? Est-ce qu'il y aura des problèmes environnementaux là-dessus? Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que ça risque d'amener une hausse de consommation simplement parce qu'on peut? Parce que là, présentement, pour ce qui est de l'impression papier, des fois, on se dit « Ah, ben j'ai pas besoin de l'imprimer, je le ferai pas pour garder le côté environnemental. » Et là, imagine si je dois faire imprimer un soulier pour l'essayer avant de le commander, puis j'en essaye 44 paires, parce que je suis une femme. Donc, ça donne quand même 44 souliers en plastique dont je dois me débarrasser par la suite. Là. Exactement, puis qui n'est pas nécessairement recyclable, on ne sait pas encore. Donc, il y a quand même cette complexité-là. Et parallèlement, ben, c'est aussi, c'est acquis. Le modèle de chaise, il est acquis, le modèle de soulier. C'est acquis, ce modèle-là qui circule sur Internet. Donc, il y a la question des droits. Et on a vu, en fait, le défi qui a été amené sur juste la restructuration de l'industrie, par exemple, au niveau musical, au niveau du cinéma, face à la diffusion sur le web, face à la possibilité d'aller chercher certains modèles. On le voit avec plein de questions de propriété intellectuelle actuellement. C'est quand même redondant quand on regarde un peu l'actualité de ce côté-là. Mm-hmm. Donc, évidemment, on rajoute à ça la propriété matérielle d'un peu tout ce qui peut être scanné. Si éventuellement l'impression 3D devient de suffisamment de qualité pour créer véritablement des objets durables, il y a effectivement une question qui peut se poser aussi par rapport au droit de propriété des choses et de quelle manière le gérer. Évidemment, ça pourra peut-être éventuellement être intégré, peut-être éventuellement être bien intégré, mais pour l'instant, on n'a pas non plus la solution miracle pour réussir à bien faire cette intégration-là. Les gens pourront dire, évidemment, comme avec l'impression 2D, on s'est dit, qu'est-ce que ça va changer de pouvoir imprimer du papier chez soi? Est-ce qu'on va imprimer des livres, des choses comme ça? Finalement, en fait, on avait beaucoup de craintes à l'époque qui se sont pas avérées finalement... disons, majeur, dans la résultante, je veux dire, on n'imprime pas tant de livres que ça à la maison, il y a des problèmes, mais bon, il y en aurait eu probablement autant autrement, mais il y a quand même des questions à voir un peu autour de tout ça. Donc oui, il y a une démocratisation potentielle de la fabrication de produits, mais en même temps, est-ce que ça va amener d'autres types de dérives que celles qu'on connaît actuellement? Donc, il y a autant de questions que d'espoir autour de cet outil-là. Et ce sera intéressant de voir comment ça va se développer parce que on en parlait au début de l'année, on en parlait à la fin de l'année dernière. C'est dans les grandes tendances à surveiller selon à peu près tout le monde qui fait de la recherche sur les tendances à surveiller. Donc, d'ici quelques années, on va avoir probablement un portrait de situation beaucoup plus précis de ce côté-là. Personnellement, j'ai beau chercher et je vois pas qu'est-ce que je voudrais absolument faire imprimer en 3D. Là, par exemple, chez nous, là, dans mon appartement, j'essaie de penser, mais je vois pas. Mais je comprends que ça peut servir dans d'autres domaines, mais pas personnellement à la maison. Et évidemment, Tania, l'impression 3D, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Quand on passe à la 3D et quand on regarde un peu l'actualité, des fois, on peut avoir l'impression que c'est un peu tout ce dont on parle. Alors qu'au contraire, je le disais au départ, c'est simplement une matérialisation de ce qu'on a dématérialisé. à un moment donné, mais reste qu'il y a encore beaucoup d'éléments dans le spectre dématérialisé autour de la 3D, beaucoup de possibilités qui sont explorées, qui sont extrêmement intéressantes. Simplement en parcourant des publications récentes, je suis tombé sur des technologies virtuelles de cyberchirurgie, donc un hybride entre la réalité et l'instrumentalisation robotique. Je suis tombé sur des gens qui essaient de cartographier l'espace en trois dimensions, les astrologues du centre Harvard Smithsonian pour l'astrophysique. Une carte en trois dimensions de l'espace, donc quand même. Il faut imprimer l'espace. Ben, enfin, on pourrait l'imprimer, mais sinon on peut quand même voyager dedans et qui retracerait les mouvements de l'univers à travers les 6 derniers milliards d'années. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc 400 000 galaxies qui seraient cartographiées. On pourrait faire de très belles maquettes. Oui, mais ça c'est certain. Mais ou simplement dans un contexte dématérialisé virtuel de voyager avec ça sur l'ordinateur. C'est génial. On peut interagir avec la 3D, créer dans virtuel, là, si on reste dans virtuel, des objets avec lesquels on peut interagir, des interfaces cerveau-ordinateur. On peut feuilleter des livres anciens avec la 3 dimensions. Donc, on va scanner le livre et on reproduit un modèle virtuel du livre qui fait qu'on peut lire un ouvrage que normalement serait seulement accessible à quelques gens avec des gants dans des conditions d'entretien très, très, très précises au niveau humidité, température, etc. Ouais. Eh bien, la 3D rend ces éléments-là un peu plus accessibles. Et on a déjà parlé aussi de cet autre exemple-là, l'idée que on pourrait faire un modèle 3D, exemple de Québec, dans lequel seraient intégrés des projets, dans lequel seraient intégrés les propositions faites aux citoyens. Donc, ça deviendrait un outil d'accompagnement absolument fabuleux, d'aide à la décision. Donc, ça, c'est des projets qui sont dans le virtuel. Il y en a des tonnes aussi. En fait, je pense qu'on pourrait faire une énumération en mentionnant un par 15 secondes pendant à peu près pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et ça donne une idée d'où on en est dans le virtuel. Évidemment, après ça, de quelle manière le virtuel passera vers le réel, ça, c'est l'autre question. Mais pour l'instant, simplement dans le virtuel, il y a déjà un potentiel dont on a peut-être seulement effleuré une partie jusqu'à présent. Et Raymond, si on veut en savoir plus, ou du moins si ça nous intéresse, l'impression 3D, on va en parler, entre autres, dans un événement qui s'en vient pour vous autres. Exactement. En fait, je disais au départ, donc vendredi 21 février, vendredi de cette semaine, c'est au pavillon Kruger à l'Université Laval, un carrefour numérique. Donc l'idée, c'est qu'on appelait ça la 3D en quatre dimensions. Donc on va inviter des gens à parler d'utilisation de la 3D, mais en génie, donc médecine, ingénierie, etc. On va avoir des gens en ethnologie qui vont nous dire, eux, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'ils font avec des objets 3D, par exemple, des artefacts en 3D. Donc, comment on développe ça? Comment on exploite ça? Parce qu'eux, ils s'en servent déjà. OK. Des gens en art et design qui vont venir nous parler de création d'avatars virtuels 3D pour peupler des mondes imaginaires 3D. Donc, où on en est dans la recherche d'avatars, de personnages qui sont censés nous représenter dans des univers virtuels? On va avoir aussi des gens en géomatique qui vont nous dire comment on peut prendre les coordonnées géographiques et créer des modèles 3D de la réalité qui sont hyper précis, au plus qu'au millimètre près. Donc, c'est quatre exemples qu'on va explorer à travers les travaux de quatre chercheurs qui viennent de chacune de ces spécialités-là. Et eux vont présenter, donc, leurs projets, leurs réflexions, leurs regards au public présent. C'est une activité qui est entièrement gratuite. On peut s'inscrire à l'avance, évidemment. On peut simplement se présenter aussi à la porte. Donc, c'est à 8h30 que ça commence. Et toute l'information est sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca. Cherchez à la page d'accueil, vous avez à quelque part décrit Carrefour numérique et toute l'information on va être là-dessus. Alors, on va retrouver le tout. On peut retrouver aussi les chroniques qu'on fait ensemble sur votre site. Exactement. Et Raymond, je me pose toujours la question, est-ce qu'on peut imprimer une imprimante 3D? Probablement, mais probablement qu'elle ne marchera pas. C'est parce que si on veut qu'elle marche, il faut l'imprimer pièce par pièce et les pièces électroniques sont un peu trop petites pour une qualité d'impression optimale. Ah ben voilà, t'as répondu à ma question en plus. Merci beaucoup Raymond, à la semaine prochaine. Alors, on continuera de parler technologie d'information lundi prochain.